soleil sur mon sexe, qui regardait le ciel et qui se baladait ville en ville. Le soleil sur mon sexe, qui regardait le ciel et qui se baladait de ville en ville. Hey, lolo, hey, soleil sur mon sexe, le soleil sur mon sexe. Je te mets le synthé là, hein. Je te mets le synthé. Oh, oh, oh. Et qui se baladait. Je te mets le synthé là. Hey, hey, hey. Posez mille. Posez mille gonflés. On en sommes là. Car nous sommes deux à se balader. Il faut servir le rhum, car il va falloir marcher et se balader de ville en ville. Soleil sur mon sexe, qui regardait le ciel. Oh yeah. Et qui se baladait de ville en ville. Hey. Soleil sur mon sexe, hey, hey. Qui regardait le ciel et qui se baladait de ville en ville. Hey. Il faut servir les chips en frais. Servir tout ça quand c'est frais. Il faut donner tout ça car le soleil frappe fort. Il faut donner les rhum frais car le soleil frappe tout l'été. Oh bah, t'as géri. Regardez le ciel. Balader de ville en ville. J'ai un problème de batterie là. Le soleil sur ma peau. Regardez le ciel. Balader de ville en ville. Qui regardait le ciel et qui se baladait de ville en ville. Le soleil sur mon sexe, qui regardait le ciel et qui se baladait de ville en ville. Qui regardait le ciel, oh, et qui se baladait de ville en ville. Les pieds dans l'eau, avec les pieds dans l'eau. Je tire en île. Ma batterie elle est pourrie. Thank you. bon le cancer, hein. L'habitude enfle en plein soleil. Le batteur est tombé. C'est la musique de main, ça. Ah non, vous allez me faire sortir de mes gants. Ah non, tu vas me faire sortir de mes gants, hein. Non, tu viens de dire quoi là? Ah non, ça c'est pas bon. Ah non, c'est quand j'étais dans l'île, hein, on était simplement, on était en train de s'amuser, hein, quand simplement il y a un garçon qui est venu pour faire le malin. On lui a servi les Dupont. Allez les Dupont, c'est... Oh, ah, il a eu ça directement. Et puis il a... Il s'est calmé. Il est rentré chez lui. Ah, famille. Quand tu bois les Dupont en plein soleil, tu comprends. Tu comprends que le ciel est grand. Hey, hey, quand tu bois les petits ponges, tu comprends que le ciel est grand. Hey, oh, oh, quand tu bois les petits ponges en plein soleil, tu comprends que le ciel est grand. Quand tu vois les petits ponts en plein soleil, tu comprends que le ciel est grand. Quand tu vois les petits ponts, les petits ponts en plein soleil, plein soleil, et tu comprends que le ciel est grand. Quand tu vois les petits ponts en plein soleil, et tu comprends que le ciel est grand. Et quand tu vois les petits ponts en plein soleil, ah, tu comprends que le ciel est grand. Et quand tu bois les petits ponts en plein soleil, ah, tu comprends que le ciel est grand. Yeah. Quand tu bois les petits ponts en plein soleil, ah, tu comprends que le ciel est grand. Et quand tu bois les petits ponts en plein soleil, ah, tu comprends que le ciel est grand. Quand tu bois les petits ponts au soleil, en plein soleil, et tu comprends que le ciel est grand. Et quand tu bois les petits ponts à plein soleil. Ah, tu comprends que le ciel est grand. Et quand tu vois les typhons à plein soleil. Ah, tu comprends que le ciel est grand. Quand tu vois les typhons à plein soleil, ah, tu comprends que le ciel est grand. Le soir, je suis sur mon sexe au soleil. Il est bourré, Charlie Oleg. Moi je vais trouver le petit punch au soleil, hein. Je crois que je vais arrêter le petit punch, hein. Attention, stop. Tu as vu le petit punch, toi?